sautant à l'envers. La tête en bas, c'était pas des paroles en l'air. Chemise Zebda sur RGM, un peu plus de 8h38. On fait un point anniversaire avec ceux qui sont nés donc un 4 novembre 1940. Naissance de Marlène Jobert, actrice française, vue entre autres dans Masculin Féminin, La Poudre des Scampettes, Juliette et Juliette, Le Bon et les Méchants de Claude Lelouch dans le rôle de Lola ou encore Souvenir, Souvenir dans le rôle de Nadia. 1961, naissance de Ralph Macchio, acteur américain, connu pour son rôle de Daniel LaRusso dans la saga des Karate Kid, vu dans Outsider de Francis Ford Coppola ou encore Crossroads, la série télé Ugly Betty où il est apparu dans 11 épisodes dans le rôle d'Archie Rodriguez. 1962, naissance de Majid Cherfi, musicien français du groupe Zebda. 1963, naissance de Nicolas Canteloup, humoriste et imitateur français. 1969, naissance de Matthew McConaughey, acteur américain vu dans Massacre à la tronçonneuse, La Nouvelle Génération, Le Droit de Tuer, Un Mariage Trop Parfait, Comment se faire larguer en 10 leçons dans le rôle de Ben Barry, La Défense Lincoln dans le rôle de Mickey Alerc, Magic Mike dans le rôle de Dallas, Le Loup de Wall Street, Dallas Buyers Club dans le rôle de Ron Woodruff, récompensé de l'Oscar du meilleur acteur, et vu également dans Interstellar dans le rôle de Joseph Cooper. C'est également l'année de naissance de Puff Daddy alias P. Diddy, enfin, il change de nom quasi toutes les semaines. En tout cas, voilà, il est chanteur et également acteur américain. On a pu le voir dans Les Experts Miami, Entourage ou encore Hawaii 5-0. C'est aussi l'année de naissance de Samantha Smith, actrice américaine, vue dans Transformers dans le rôle de Sarah Lennox, la série télé Les Jumelles Sans Mêle, Profileur, Supernatural dans le rôle de Mary Winchester ou encore Monk, Esprit Criminel ou bien Dr. House. 1972, naissance de Luis Figo, ancien footballeur portugais, ayant fait carrière de 1990 à 2009 en jouant au Sporting, à Barcelone, au Real Madrid, à l'Inter de Milan, et il a été Ballon d'Or en 2000. 1980, naissance de Marcy Rylan, actrice américaine, vue dans la série télé Haine et Passion dans le rôle de Lizzie Spaulding, Les Feux de l'Amour dans le rôle d'Abby Newman ou encore Hôpital Central dans le rôle de Lulu Spencer Falconry. 1998, naissance de Darcy Rose Burns, actrice américaine, connue pour son rôle d'Abby Abbott Carlton dans la série télé Les Feux de l'Amour et son rôle surtout de Penny Scavo dans la série Desperate Housewives. En 2015, décédée Melissa Mathison, scénariste américaine, connue pour avoir écrit le scénario des films E.T. l'extraterrestre, L'Indien du Placard ou encore Kundun.

c'était P. Diddy avec Usher et Loon sur le titre I Need a Girl. Et tout de suite, on va faire une petite pause dans la matinale pour parler des événements qui ont lieu ou qui vont avoir bientôt lieu d'ailleurs dans notre département. Et c'est Lia qui nous en parle. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous êtes branchés au 107 pour un moment local comme on les aime. Nous recevons aujourd'hui pour cette intervention Monsieur Xavier Battistella, responsable culturel de la ville de Remiremont, accompagné de Capucine, responsable communication. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super. Ah bah quand on est sur Gémozo, ça va toujours bien. Eh bah tant mieux. Alors on parle aujourd'hui eh bien, d'un événement qui aura lieu prochainement, hein, jeudi 7 novembre. Il s'agit d'une soirée philo, en tout cas cette soirée sera ouverte à tous. Elle aura été précédée d'une journée complète autour de ce thème. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oh oui, on doit pouvoir en dire plus quand même, on est venu pour ça. Donc est-ce que vous connaissez Gaston Bachelard ? Pas personnellement. Non, moi non plus, mais en fait, il est décédé un petit peu avant ma naissance quand même, donc voilà. C'est un philosophe du XXe siècle qui a énormément influencé les milieux de la science, de la philosophie et même de l'éducation. Il a fait beaucoup de liens en philosophie entre différentes choses, donc que ce soit la science, la poésie et beaucoup d'autres domaines. Mmh. Et ce Gaston Bachelard est vraiment une référence pour ceux qui s'intéressent à la philosophie et plus particulièrement à la branche qu'on appelle l'épistémologie. D'accord. En gros, la philosophie des sciences, si vous voulez. Quoi. Okay. Et en fait, ce Gaston Bachelard, savez-vous qu'il avait vécu à Remiremont ? Durant 2 ans. Pendant 2 ans, il a vécu à Remiremont. Et avant d'être philosophe, en fait, il était surtout employé des postes. D'accord. Voilà, c'est à ce titre qu'il a vécu à Remiremont. Et en fait, on a souhaité faire une petite, une rencontre sur le thème de Gaston Bachelard, parce que un auteur lorrain qui s'appelle Jean-Michel Vavelet a écrit un livre justement sur Gaston Bachelard où il parle beaucoup de sa vie et de sa pensée, mais il met beaucoup en relation sa vie et sa pensée. Et en particulier, il est venu faire des recherches à Remiremont pour documenter ses 2 années à Remiremont. D'accord. Et il en parle énormément dans son livre de ses 2 années à Remiremont. Okay. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de faire quelque chose avec lui. Tout à fait. Bah voilà, très bonne exactement. Idée. Et puis qui dit philo dit souvent, pour la plupart des gens, bac. Et donc oui. On s'est dit, on va inviter les terminales. Voilà. Donc dans l'après-midi, on aura une rencontre qui ne concerne a priori pas beaucoup d'auditeurs de Gémozo, mis à part ceux qui sont en terminale. Mais voilà, on vous le signale. Donc les lycéens pourront rencontrer l'auteur et discuter un petit peu autour des thèmes chers à Bachelard. Ok, ça se passe dans le cadre de leur vie scolaire, j'imagine. Voilà, c'est ça, tout à fait, voilà. Maintenant, comme on se doutait bien que vous, les autres auditeurs de Gémozo, qui avez déjà votre bac, vous allez être trop malheureux si on ne vous autorise pas à rencontrer Jean-Michel Vavelet et à parler de Bachelard, on a pensé à vous. Okay. Alors, on a pensé à vous en 2 temps. Le premier, c'est à 19h, et ce sera au bar Le Point Central, à Remiremont, juste à côté du Volontaire. Ok. Alors, ça se passe là-bas parce que Gaston Bachelard a vécu dans ce bâtiment pendant les 2 ans qu'il était à Remiremont. Et donc, c'était pas encore Le Point Central à l'époque, mais c'était l'appartement où il vivait. C'est chouette, ça. Donc, à cet endroit-là, on va vous proposer simplement un petit moment assez détendu où l'auteur remettra officiellement un livre au maire et où on parlera quelques minutes comme ça, tout en buvant un petit coup. Voilà, c'est un petit apéro sympathique. C'est quoi. Convivial. Exactement. Voilà. Donc là, évidemment, si vous avez envie de vous joindre à nous, le bar est ouvert à tous. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, à consommer avec modération, tout comme il se doit. Et puis le soir, à 20h30, là, on vous propose une rencontre là où, pour le coup, on va parler réellement de Gaston Bachelard, on va parler philosophie. Et puis, donc tout cela sera avec l'auteur, Jean-Michel Vavelet. D'accord. Et ce sera une soirée qui va durer, je pense, une heure et quart. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que c'est ouvert à tous. Hein, vraiment, on n'a pas besoin d'y connaître quoi que ce soit en philo, on n'a même pas besoin de s'y intéresser. Voilà, okay. Il faut juste une petite envie de découvrir. Okay. Vous avez envie de découvrir un petit peu qui est ce personnage et vous voulez pouvoir frimer pendant vos repas à Noël, par exemple, en famille, eh ben, c'est l'occasion de venir prendre quelques informations. Ça se passera au Centre culturel Gilbert Zog à 20h30, hein, voilà. Ouvert à tous. Qu'est-ce qui se passera pendant cette soirée ? Alors, on commencera certainement la soirée par une petite vidéo de Gaston Bachelard pour vous montrer à quel point le personnage, avec sa longue barbe et sa vraie tête de philosophe, à quel point ce personnage était en fait très simple et très attachant. Oui. Parce que ses discours sont tellement du bon sens que ça donne envie d'aller plus loin. D'accord. Et puis ensuite, donc on va laisser la parole à l'auteur pour qu'il nous parle de ce qu'il a voulu faire avec son livre et oui. qu'il nous donne envie de le lire, évidemment. Sachant que la librairie de Remiremont, Lire et Écrire, sera aussi présente pour ceux qui souhaitent acheter son livre à la fin. Et puis on terminera par un moment vraiment de philosophie où on va prendre un des thèmes chers à Bachelard, je ne vous dis pas encore lequel, et on fera comme un petit café philo ou une discussion où on permettra à chacun de s'exprimer, de réfléchir, de discuter, évidemment sans aucun jugement, hein, puisque la philosophie, vous savez, ça vient de Socrate qui était dans la rue à boire un coup et puis à discuter avec ce qui passait, quoi. Et donc là, on aura un peu cet esprit-là où on n'ira pas chercher dans les hautes sphères, mais dans les choses simples de la vie pour parler philo, quoi. Et ben voilà, ça se passe le jeudi 7 novembre à 20h30 au Centre culturel Gilbert Zoug, donc pour cette soirée. Et si vous en avez envie, vous pourrez déjà venir au bar Le Point Central dès 19h pour plonger dans ce monde de philosophie avec cet auteur Jean-Michel Pavlé qui nous parlera de Gaston Bachelard. Venez nombreux surtout. Alors c'est à l'initiative de la ville de Remiremont et en particulier de notre service des archives municipales. La directrice Stéphanie Izard, à cette occasion, ressortira plein de documents d'archives sur Gaston Bachelard pour pouvoir voir en particulier les documents d'époque sur la ville de Remiremont et le lien qu'il y a avec ce personnage. On n'en a pas des milliers. Hein. Oui. Faut reconnaître que le passage de Bachelard à Remiremont n'a pas été extrêmement documenté à l'époque, mais on a quand même retrouver quelques éléments. Ça, c'est chouette. C'est quand même important. Et c'est intéressant parce que les services d'archives municipales, c'est très rare. Je crois qu'on est le seul dans les Vosges, à Remiremont, à avoir un service d'archives municipales. Municipales, oui. Voilà. Et donc, c'est aussi une manière de vous montrer quel peut être l'intérêt d'avoir des archives. Et puis, si vous souhaitez aller à la rencontre de ces archives, sachez que c'est ouvert quasiment tous les jours. Voilà, vous retrouvez ces informations sans aucun problème. Pour connaître les horaires d'ouverture du service des archives, si vous voulez poser des questions, faire une petite recherche. Il y a une bibliothèque d'études qui est aussi incluse dans ce service, donc c'est vraiment intéressant. Et une directrice qui est prête à répondre à toutes vos questions, surtout. C'est ouvert, on a le droit d'y aller en tant que... Oui. C'est juste en face de la mairie, n'importe qui peut y aller et demander les documents, parce qu'au final, les archives sont conservées, mais ont aussi vocation à être sorties. Et super. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci Lia, qu'on retrouvera d'ailleurs dans quelques instants. Et tout de suite, à 8h54, on fait un point sur la météo. La météo. Et on va pas se mentir, la météo ne sera pas extraordinaire aujourd'hui non plus. On passera la journée sous la grisaille et la pluie. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 11 et 12 degrés prévues pour cet après-midi. Pour mardi, ça devrait s'améliorer un petit peu. On devrait avoir des éclaircies, mais toujours de la pluie. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés prévues pour demain après-midi. Mercredi, ce sera encore une journée mitigée. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer cette actualité avec le rugby et les résultats de la Coupe du Monde. Et c'est l'Afrique du Sud qui a été sacrée champion 32 à 12 face à l'Angleterre. Et la finale pour la troisième place a vu la victoire de la Nouvelle-Zélande 40 à 17 face au Pays de Galles. En hockey sur glace en D2, première défaite pour l'EHC Épinal qui s'est incliné 3 à 4 après les tirs au but au bout du suspense face à l'équipe 2 de Rouen. Première défaite pour cette saison et première défaite depuis un bon moment d'ailleurs. Un mot de basket avec la Pro B et défaite de Nancy à Lille 81 à 73. Défaite du Jet Vosges en National 1 face à Avignon 67 à 73. En NBA, à noter que Stephen Curry s'est fait opérer. Il sera absent 3 mois. Gros coup dur pour les Golden State Warriors. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix des États-Unis qui a vu la victoire hier de Bottas devant Hamilton Hamilton et Verstappen, 4e place pour Charles Leclerc, 15e place pour Romain Grosjean et 16e place pour Pierre Gasly. Avec sa 2e place, Hamilton a été sacré champion du monde pour la 6e fois. Il n'est plus qu'à un titre de Michael Schumacher. En football, en Ligue 1, victoire de Dijon 2 buts à 1 face au Paris Saint-Germain. Marseille s'est imposé 2 buts à 1 face à Lille. Amiens s'est imposé 1 but à 0 face à Brest. Metz a fait match nul à Montpellier, 2 buts partout. Angers s'est imposé 1 but à 0 face à Strasbourg. Lyon s'est imposé à Toulouse sur le score de 3 à 2. Bordeaux s'est imposé 2 buts à 0 face à Nantes. Nice s'est imposé 2 buts à 0 face à Reims. Et enfin, hier soir, Saint-Étienne s'est imposé 1 but à 0 face à Monaco. En Ligue 2, ce soir, Nancy se déplace à Le Havre. En National 2, à noter la défaite d'Épinal à Bastia 3-1. En National 3, l'étape s'est inclinée face à Sarreguemines sur le score de 3-4. Et Thaon-les-Vosges s'est imposé 3-2 face à Saint-Louis-Neuvaigne. Un mot de cyclo-cross avec la Coupe de France et la victoire ce week-end de Steve Chenel. On termine avec du tennis, avec les résultats tout d'abord du WTA Finals, où la numéro une mondiale, Barty, s'est imposée face à la tenante du titre, Svitolina, en 2-7. Le double féminin vu la victoire de Kristina Mladenovic et Temea Babos, qui conservent ainsi leur titre. Le Paris Master a vu la victoire de Novak Djokovic en 2-7 face au Canadien Shapovalov. Novak Djokovic remporte son 5e Paris Master, son 34e Masters 1000. Un de moins que Rafael Nadal. D'ailleurs, Rafael Nadal qui n'a pas disputé sa demi-finale, il a déclaré forfait avant la rencontre. Il s'est blessé à l'échauffement, en espérant que ce soit pas trop grave. Et le double, messieurs, a vu la victoire de la paire française Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Et à noter que le tournoi Next Gen débute demain. Allez, tout de suite, dernière pause musicale avec Coldplay, leur titre Orphans. Leur tout nouveau titre de leur nouvel album qui sort le 22 novembre prochain, intitulé Everyday Life. Et le titre, c'est Orphans. On écoute ça tout de suite. I wanna Et voilà, c'était le tout dernier Coldplay sur RGM. Il est 9h passé, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à midi. Vous retrouverez la Bulle de Lit avec l'association Plumenco. 13h30, la rediffusion de la Cristoire du cinéma. 15h, Salut les 60 avec Gérard. 20h, le calendrier de François. Minuit, la rediffusion de la Bulle de l'IA. Et l'IA d'ailleurs qu'on retrouve dans quelques instants, qui nous parle des musées, du musée de Remiremont avec Xavier Battistella. Nous, on se retrouve demain matin. Excellente journée à tous.